soleil et je disparais. Yo, envoie-moi le code secret, je te montre ma botte secrète. Il faut que ta pote se taise, on verra jamais le bout. Ils en ont marre de nous, tout le monde parle de nous. Ouais, viens, on se barre d'ici. J'gagne, toi tu participes. Appelle-moi pas frère, j'fais un fratricide. Double zéro, j'suis en batterie faible, en plein feu d'artifice. Et j'te regarde dans les yeux, babe. Et j'te fais tourner comme Tupi Beyblade. J'crie Mayday, Mayday. Viens te blottir dans mon roulis, baby. J'te regarde dans les yeux, babe. J'te fais tourner comme Mayday, Mayday. J'crie Mayday, Mayday. Yeah. Un clin d'œil et je disparais. Un clin d'œil et je disparais. J'aime le temps quand il s'arrête. Yeah. On est plongé dans le pétrole. Faut que t'allumes la mèche. Faut que tu t'amuses, ma belle. On fait des tours de manège. Un clin d'œil et je disparais. Yeah. On a que des zéros sur le compte. On a synchronisé nos montres. J'ai pris mon temps pour comprendre que t'es indomptable. Y'a que moi qui pourrais te faire garder ton calme. J'garde mon cap, j'bombarde au bord d'un merco compact. La voix rocailleuse comme ondelate, celle de la meucrie ou N.I.R.O. Prêt à sortir le 38 si tu fais le beau. Allume la lumière qu'on en finisse. Tu vas bosser baby, faut que tu rentabilises. L'impression d'avancer, j'suis comme dans Billie Jean. J'vais poser la Air Max sur les dalles qui s'illuminent. J'ai ma dose d'adrénaline, la petite est maligne. On a besoin de moi comme si j'étais vitamine. Évidemment que tu me verras déterminé. Quand il s'agit de toi, il s'agit de faire des billets. Un clin d'œil et je disparais. Un clin d'œil et je disparais. J'aime le temps quand il s'arrête. Yeah. On est plongé dans le pétrole. Faut que t'allumes la mèche. Faut que tu t'amuses, ma belle. On fait des tours de manège. Disparaît. Un clin d'œil et je disparais. Un clin d'œil et je disparais. J'aime le temps quand il s'arrête. Yeah. On est plongé dans le pétrole. Faut que t'allumes la mèche. Faut que tu t'amuses, ma belle. On fait des tours de manège. Un clin d'œil et je disparais. Un clin d'œil et je disparais. Un clin d'œil et je disparais. J'aime le temps quand il s'arrête. Yeah. On est plongé dans le pétrole. Faut que t'allumes la mèche. Faut que tu t'amuses, ma belle. On fait des tours de manège.